Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 28 une couronne mortuaire à l'ambassade cubaine en Corée, en signe de ses profondes condoléances au décès de Fidel Castro Ruz, dirigeant suprême de la révolution cubaine. On l'a déposé devant la photo du défunt.